La nuit longue. Des étoiles et des fleurs d'une nuit heureuse sont et le jour. L'automne de pluie, l'automne, l'automne de pluie. Dans ce temps du monde, dans ce temps du les routes de pierre, chemins et traverses, parfois brume épaisse, au soleil d'hiver, l'automne, l'automne de pluie, l'automne, dans ce temps du...